Don Cristobal, je vous confie une mission pénible pour vous. Avec ces trois hommes de bien, vous allez arrêter sur le champ le personnage que j'ai pour fils. Vous le conduirez au château de Santarém et vous le détiendrez jusqu'à ce que j'ai désigné qui le gardera. Seigneur, pas moi. Un autre que moi. Vous, au contraire, et nul autre que vous. Cela vous fait souffrir. Eh bien, maintenant, il faut que l'on commence à souffrir un peu autour de moi. Lui que j'ai élevé. Eh bien élevé, certes. Un digne élève et un digne fils. J'atteste par le Dieu vivant que Don Pedro vous révère et vous aime. Quand il me mépriserait, quand il aurait fait peindre mon image sur les semelles de ses souliers pour me piétiner quand il marche, ou quand il m'aimerait au point d'être prêt à donner pour moi sa vie, cela me serait indifférent encore. Pedro est marié à Doña Inés. Hélas, après ce qu'il m'avait dit... Que vous avez-il dit? Qu'il ne ferait jamais un mariage pareil. Déjà, il savait qu'on le raillait un peu d'avoir pour ami seulement, une enfant naturelle. Un jour, que je lui en touchais un mot, il m'avait dit « Jamais plus vous ne devez me parler sur ce sujet. » Il est là tout entier. Allez, allez, en prison. En prison pour médiocrité.